Radio Campus, Lille, 106,6 FM. Contre-culture, Random. Random, émission radiophonique, un dimanche sur deux, 19-20h. De l'information, de 19h à 20h, Radio Campus, Lille. C'est Random, 106,6 MHz. 106,6. Hacker du groupe Dégénéré Sciences Lille. Sur Radio Campus. Un dimanche sur deux. Random. L'émission préférée des N-Tech. Oh, comme c'est fort. Bonsoir et bienvenue pour cette 17e émission de Random. Vous êtes sur Radio Campus. Donc ce soir, pour parler de toutes nos petites histoires, nous avons Little Mar Charlie, bonsoir. Bonsoir. Nous avons Sinuso. Bonsoir. Et nous avons DB. Bonsoir, bonsoir. Et à la technique, Man Martigan. Oui, tout à fait, oui, on a encore oublié de dire son nom. D'accord. Je vais te laisser présenter le plan, histoire qu'il n'y ait pas d'anicroche. D'accord, alors présentation du super plan de Random 17ème. Génération. Ouais, ça y est, on compte plus. On compte en génération, maintenant génération d'émissions. Donc en fait, on va commencer très très fort. Donc déjà, premièrement, il y aura comme d'habitude trois parties. Une première partie actualité, une deuxième partie dossier et une troisième partie agenda, entrecoupée de pauses musicales diverses et variées que vous aimerez, en tout cas nous l'espérons. Premièrement, dans les actus, on a... un point sur ce qui s'est passé sur les hauts lieux, et puis le squat dont on a déjà parlé plusieurs fois, THC Hydra, donc le célèbre cracker de mots de passe qui arrive en version 5.7. On parlera des dernières, c'est notre marronnier, hein, donc la loi Hadopi, ça fait un an qu'on en parle, donc on va continuer à en parler un petit peu des derniers trucs qui se sont passés là-dessus, et puis on parlera également du guide d'autodéfense numérique. On vous expliquera un petit peu ce que c'est, et puis ça nous amènera en fait à notre dossier qui parlera donc de la cryptographie de la messagerie électronique. Donc on verra un petit peu diverses solutions pour gérer la cryptographie de ces messages et, afin de protéger la vie privée et protéger ses petits secrets. Et puis on aura un agenda super fourni comme d'habitude sur l'actu lilloise, et Taziden, s'il m'écoute, verra que je vais gagner mon pari. Et voilà, on va donc commencer tout de suite maintenant. Bah, les petites actualités. Bon, bah allons-y. Allons-y. Alors l'actu des hauts lieux, quelqu'un s'y colle ou j'y vais? Bon, bah, vas-y. Hein. Moi je parle parce que moi je suis pas en gueule de bois. N'est-ce pas? Oui, parce que hier, histoire que toutes les auditrices et tous les auditeurs puissent être au courant, hier c'était donc le barbecue de Radio Campus. Et c'est un barbecue qui a commencé à 11h du matin et qui s'est fini à minuit. Et donc certains et certaines ont un peu la tête qui tourne et qui fait mal. Et alors, en parlant de tête qui tourne et qui fait mal, on va parler un petit peu donc du squat, hein, du squat qui dans lequel on a été un peu impliqué dans la mesure où on a créé un hackerspace là-dedans. Et donc c'est les hauts lieux. Donc les hauts lieux, on va rappeler un petit peu, hein, c'est un squat qui s'est ouvert donc le 30 avril 2010, rue des Débris Saint-Étienne, dans l'ancienne galerie Rodif, à 20 mètres de, ouais, à quelques mètres de la Grand Place de Lille. Donc on en a parlé quand même dans les deux dernières éditions de Random. Et la dernière fois, on vous disait que il y avait des négociations qui avaient été lancées avec donc le locataire des lieux Zara. Et ces négociations, mais à l'époque en fait, on était encore quand même dans les locaux. Donc le collectif des hauts lieux a souverainement décidé de quitter les locaux. Et donc d'accepter. De toute façon, il n'y avait pas forcément le choix parce que c'était soit un référé et tout le monde dehors. Et CRS et embrouille. Et embrouille. CRS, peut-être pas quand même. Ouais, enfin bon, on vit quand même dans une. Nous vivons dans un pays dangereux, voyez-vous. Sinon, il parlait plus d'astreinte, oui. Ce qui est beaucoup plus secret et beaucoup moins visible pour tout le monde. On n'appelle pas la force, on fait tout discrètement. Je m'entends plus, c'est super. On fait tout discrètement et comme ça, on voit rien, pas de presse, rien, juste des astreintes financières auxquelles, bien sûr, on ne peut pas assumer. Quoi. On peut pas forcément, effectivement, les personnes impliquées pouvaient pas forcément assumer ça. Mais en fait, à l'époque de Random 16, on était donc encore dans les locaux. Bah, maintenant, on n'y est plus. On les a quittés donc le 10 juin, qui était également la date du second rendez-vous que nous avons eu avec la direction générale de Zara à Paris-Bercy. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc, le collectif des hauts lieux a été entendu par la direction générale de Zara, et à l'heure actuelle, en fait, des négociations sont en cours concernant un retour dans les locaux. En fait, Zara avait, donc, en tout cas prétend avoir, un projet de crèche d'entreprise. Donc en gros, une entreprise qui serait autorisée à implanter une crèche dans les 3000 m² vides. Et à y opérer. Et puis en fait, Zara réserve quelques places pour les enfants des employés des différentes enseignes du groupe, donc Zara, Bershka, Zara Home, etc., qui sont quand même en grand nombre sur l'île et même sur l'hypercentre de l'île, hein, autour de la Grand Place, la rue de Béthune, etc. Ils vont faire une crèche là-bas. Pour ça, en fait, il faut une autorisation du propriétaire des locaux, parce que Zara est locataire des locaux qui appartiennent toujours à Monsieur Lascar, qui est patron de Rodif. Donc les anciennes galeries Rodif appartiennent toujours au patron de Rodif. Et en fait, c'est un bail commercial, et pour un bail commercial, ça vous autorise uniquement à faire du commerce dedans et pas à implanter des crèches. Donc il faut une autorisation, il faut un dossier. Ce dossier va inclure, en fait, a priori, va inclure les hauts lieux dedans. C'est-à-dire que la place qui ne sera pas utilisée pour les... Oui, il y a un truc qu'on entend, en fait. Je crois qu'on entend un peu ta musique. On entend un peu ta musique, je crois. Bon, je sais pas. Ah oui, voilà, ça y est, on ne entend plus. Les projets seront présentés. Donc c'est un projet de crèche d'entreprise dans lequel les projets des hauts lieux, notamment le hackerspace, le local host et l'espace de travail mutualisé, la coroutine, seront inclus dedans. Donc il y a une deadline au 15 septembre pour présenter le projet. On garde un œil là-dessus et puis on continue à discuter avec Zara on continuera à donner un petit peu des nouvelles du projet. En l'état, à l'heure actuelle, les locaux sont vides, mais surveillés 24 heures sur 24. La Voix du Nord s'en est fait écho de cette nouvelle récemment. Voilà pour les hauts lieux. D'autres choses à rajouter là-dessus ? Un truc que j'aurais pas dit par rapport à la fois dernière. De toute façon, on continuera à vous donner, l'émission Random continuera à vous donner des nouvelles un petit peu de tout ça. Sachez également que l'association Le Localo, c'est toujours en cours de création et que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous êtes Lillois ou Lilloise, vous pouvez rejoindre un petit peu l'équipe de création de ce Hackerspace et reportez-vous aux émissions précédentes, notamment je crois la Random 15 ou 14, où on a pas mal parlé du concept de Hackerspace, il y a eu un dossier là-dessus. Deuxième actu, c'est la sortie de Hydra, de THC Hydra, en version 5.7. Bon, c'est un petit peu anecdotique, mais c'est juste pour pouvoir parler un petit peu de tout ça. THC, donc The Hackers' Choice, c'est un groupe allemand, un grand groupe de hackers allemands célèbre, pour pas mal de raisons. Et voilà, c'est vraiment un groupe important sur la scène internationale. Et surtout un groupe assez ancien quand même, qui date de au moins les années 90, voire même les années 80, je sais plus trop. Et ils sortent la version 5.7 de leur cracker de mot de passe très célèbre qui s'appelle Hydra. H-Y-D-R-A plutôt. Et on peut le télécharger sur freeworld.thc.org/thc-hydra. Vous aurez de toute façon les liens et puis pas mal de documentation sur. Enfin, on mettra un petit peu quelques liens et quelques docs relatives à ce cracker de mot de passe. Donc le but du jeu, c'est un cracker de mot de passe réseau, pour certains services réseau, FTP ou autres, FTP, SSH, web, HT Access, tout ce qu'on veut, qui est optimisé pour faire ça et qui marche relativement vite. Alors, après, on a une troisième news, qui en fait en contient plusieurs, c'est notre marronnier Adopi. Adopi, la fameuse loi Adopi, qui a été retoquée il y a plus d'un an maintenant. T'avais la date, je crois, Little Charlie ? Tu m'avais sorti une fois, c'était il y a pas longtemps. Aujourd'hui, ça fait un an que la loi a été retoquée. C'était en début juin, mai l'année dernière. Et donc la loi retoquée n'a toujours pas. La loi qui a été retoquée il y a un an et qui a été votée au mois de juillet-août, je ne me souviens plus, 2009, n'est toujours pas en application à l'heure actuelle. Voilà, il faut le dire. Alors, là, il s'est passé des trucs assez rigolos sur la Adopi. En fait, la loi Adopi contient un truc rigolo qui est l'obligation de sécuriser la ligne. C'est-à-dire que si votre adresse réseau, votre adresse IP, apparaît dans les relevés des polices privées mandatées par les majors, par les grosses entreprises de l'industrie du divertissement, Eh bien, ça passe devant un juge, tout ça, et donc devant un juge, il y a un débat contradictoire, c'est-à-dire que vous avez la possibilité quand même de contester. Contester comment ? Puisque de toute façon, il y a un dossier complètement bidon qui se base sur aucune preuve, mais qui sert à vous accuser. Et vous n'avez pas les moyens de vous défendre. Donc le seul moyen de vous défendre, c'est de dire, j'ai pas de logiciel de peer-to-peer, enfin j'ai pas de logiciel de téléchargement illégal, Et donc qu'est-ce qu'on fait ? En fait on vous fait installer un logiciel qui va vérifier qu'effectivement vous n'avez pas de logiciel qui vous permet de pirater. Donc de manière à pouvoir dire de tel jour à telle heure, voilà, j'ai un logiciel assermenté qui prouve que j'ai pas fait le con ou la conne. Et donc il y a eu un appel d'offres pour ça. Il y a une entreprise qui s'appelle Trident MediaGuard qui avait gagné cet appel d'offres. Et donc on commence à avoir arrivé les premiers logiciels. Il y a quelques jours, en fait, Orange a fait une offre, a sorti une offre comme ça, donc de ce fameux logiciel qui permet de se conformer à la loi Adopi. Donc un logiciel anti-piratage. Tout en disant que ce n'était pas pour la loi Adopi. Oui, puisqu'il n'est toujours pas appliqué. Donc voilà. Et donc ce logiciel était. Vous pouviez le télécharger. Parce que maintenant vous ne pouvez plus, je vous explique après pourquoi. Vous pouviez le télécharger directement depuis le site d'Orange et puis c'était un service qui était payant à 2 euros par mois. Alors, bien entendu. On pourrait peut-être expliquer le fonctionnement du petit logiciel. Vas-y, je t'explique. Donc le logiciel fourni par Orange reconnaissait certains hashes de logiciels qui se lançaient et les empêchait de tourner. Par exemple, il empêchait Emule ou BitTorrent ou Casa ou Vuse, des tas de clients peer-to-peer, il les empêchait de démarrer. Donc en fait, c'était un filtrage, pas sur le téléchargement illégal, mais sur le téléchargement tout go. Oui, tout à fait. Donc par exemple, si on voulait télécharger une ISO de BSD ou de Fedora... Ou Debian ou autre, via BitTorrent ou Jigdo, c'est pas possible. Donc c'est un logiciel en fait. Le concept est quand même. On va expliquer un petit peu le concept du logiciel. Le concept du logiciel, c'est vous payez un abonnement internet et vous vous astreignez de vous-même à ne pas utiliser la totalité des services disponibles sur internet. Tout en payant pour se faire astreindre. Tout en payant, puis en plus vous payez pour ça. C'est quand même d'une. Mmh. Et tout ça dans le but de vous protéger d'une loi injuste qui vous coupe votre accès à internet pour faire plaisir. Aux majors de l'industrie du divertissement, qui par ailleurs est tout à fait florissante. On pourrait reparler également du scandale que la fête du cinéma qui commence le week-end prochain, les tarifs continuent à augmenter, alors que le cinéma n'a jamais été aussi bien dans l'histoire du cinéma. Il n'y a jamais eu autant de Français qui sont allés au cinéma qu'à l'heure actuelle. Et pourtant, les prix continuent à augmenter. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Et donc, ils se plaignent, bien sûr, hein, que le cinéma va mal et tout, alors que non, il va pas mal du tout. Et donc ce logiciel Adopi donc est sorti et tout. Alors forcément tout le monde s'est intéressé à ce logiciel. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ça marche, etc. Quelques jours après sa sortie, il y avait déjà des problématiques qui sont apparues sur le logiciel, qui n'étaient pas sûres, etc. Deux failles de sécurité, dont une qui a été publiée de manière assez rigolote sur la liste de diffusion Full Disclosure, qui est avec Bugtrack l'une des grosses listes de diffusion permettant de retrouver les. Enfin sur lesquelles en fait sont postées les failles de sécurité de tous les logiciels possibles et imaginables. Et en fait donc un groupe qui s'est assez ironiquement fait sous couvert d'anonymat mais avec un pseudonyme rigolo qui est le Cult of the Dead Adopi, en référence au Cult of the Dead Cow. Qui est un groupe hacker anar américain en plus, qui avait notamment sorti un logiciel qui s'appelait Back Orifice, trou du cul, oui. Très fin comme jeu de mots, qui servait en fait à faire de l'administration à distance, autrement dit un cheval de Troie, plus ou moins. Voilà, ça l'a d'une époque. Et oui, j'ai utilisé ce logiciel à une époque. Attention, je balance sur moi-même. J'avoue. On a tous une autre période comme ça. Hein. Bah ouais, clairement, mais bon voilà quoi. Et donc The Cult of the Dead Adopi a balancé un truc pour dire que le logiciel, non seulement il fonctionne pas génial parce que de base c'est pas un fonctionnement très efficace, mais en plus de ça, il y a de sérieux problèmes de sécurité sur ce logiciel qui permet de faire alors je me souviens plus, parce que j'ai pas les notes sous les yeux forcément. Mais alors, si je me souviens bien, ça permet en fait de faire exécuter des codes. De faire exécuter des codes de manière privilégiée. Autrement dit, en fait, ce logiciel favorise ou aide la prolifération de virus et de vers sous Windows. Il y avait aussi au niveau du serveur en lui-même qui. Qui est connecté donc au client. On pouvait récupérer toutes les adresses des clients qui étaient connectés, oui, au exact, serveur. Tout à fait. Il y avait l'interface d'administration qui était aussi bien sécurisée que les Livebox, c'est-à-dire avec un identifiant admin et un mot de passe admin, ce qui était quand même assez fort. Donc la simple connaissance de ce truc-là permet de débloquer des. En fait, il y a même eu le risque que le code exécuté sur le serveur soit remplacé par des personnes malveillantes. Bon, au moins, ils se sont blindés contre les attaques par force brute, quoi. Admin, c'est bon. Oui, voilà, aucun problème. Ouais. En fait, c'est juste que les mises à jour de ce logiciel, les mises à jour donc pour les éventuels nouveaux programmes qui permettraient de télécharger, entre guillemets, illégalement, en fait, n'étaient pas signées. Oui, aussi. Voilà, donc n'importe qui, en fait, pouvait se faire passer pour le serveur et faire exécuter un code non pas avec les privilèges administrateurs mais les privilèges système, donc ce qui permettait en fait quelque part à tous les clients d'Orange qui utilisaient ce programme en fait de créer un énorme botnet en fait. Donc face à en fait toutes ces critiques qui ont été largement rediffusées dans la presse en ligne, PC Impact, Numérama et autres, face également au fait que la nouvelle ce soit vraiment la nouvelle du fait que ces logiciels mal sécurisés, etc., se soit vraiment répandu comme une traînée de poudre dans tout l'internet, et pas seulement que dans le milieu hacker ou le milieu un peu logiciel libre, etc. Face à ça, en fait, Orange a donc momentanément, paraît-il, parce que Orange a quand même prétendu sur cette histoire de serveur de mise à jour, a quand même prétendu une intrusion informatique, bref, un truc pas clair, alors que tout est clair, il n'y a jamais eu d'intrusion informatique, et c'est juste qu'ils publient des logiciels mauvais et pour une mauvaise cause. Donc en fait, Orange a pris la décision d'arrêter cette histoire d'options à 2€ par mois. Alors par contre, d'autres continuent. D'autres continuent, notamment un truc qui s'appelle adopiprotection.com, Le site est cherché par, le site est en ligne à l'heure actuelle, enfin il était encore en ligne avant de commencer l'émission. Adopi Protection, c'est un autre éditeur qui sort un autre truc comme ça, et il y a aussi eu des études sur ce logiciel. Et on se rend compte immédiatement que, encore une fois, c'est un logiciel très très très mauvais, qu'il ne faut pas installer parce que c'est encore un risque de sécurité que vous vous ajoutez. C'est-à-dire que si vous installez ce genre de logiciel, un certain nombre de vers et de virus informatiques auront la tâche, enfin vous favoriserez, vous rendrez la tâche plus facile aux virus informatiques. Voilà, c'est encore un logiciel uniquement sous Windows, qui donc si vous utilisez Linux, vous pouvez pas. Si vous utilisez Linux ou un autre système libre, vous pouvez pas vous protéger de fausses accusations de la Adopi. Et donc voilà, donc en fait deux éditeurs de logiciels qui balancent un truc Adopi et deux fois en moins d'une semaine se font provoquent l'hilarité de tout le monde et de toute la communauté de la sécurité informatique et également toute la communauté hacker et logiciels libres. Voilà. Est-ce que quelqu'un de chez Orange va démissionner là ? Parce que quand même, pondre un logiciel comme ça, c'est pas mal. En fait, c'est pas forcément les mecs d'Orange. C'est-à-dire que c'est des prestataires de services qui fournissent un truc. Oui, non, mais j'ai jeté une pire. Mais non, il n'y a pas de démission en vue. De toute façon, il n'y a pas de démission en vue côté Adopi. Déjà. Non, mais je déconne. De base, il y a quand même. Et Frédéric Mitterrand n'a absolument pas démissionné. Albanel n'a pas démissionné. Riester est toujours là. Albanel, elle a même été embauchée par Orange après. Ah oui, en plus c'est Albanel, oui, effectivement, Christine Albanel, donc ancienne ministre de la Culture, qui a fait passer cette loi Adopi 1, s'est fait retoquer, Adopi 2 l'a fait passer également. Non, c'est Frédéric Mitterrand qui a fait passer Adopi 2. Ouais. Ouais, et donc voilà, Christine Albanel qui a porté le projet, qui a vraiment tout pris sur son dos, elle travaille maintenant chez Orange, qui a parlé de collusion d'intérêts et tout ça. La boucle est bouclée. Dernière petite news en fait, on va parler donc du guide d'autodéfense numérique. Donc c'est un truc que vous pouvez retrouver sur guide.boom.org. Je vous mettrai l'adresse après dans le résumé que je vais essayer de publier à peu près rapidement, parce que là quand même on avait un peu de retard sur les résumés des trois dernières émissions. C'est un truc vachement bien fait en fait, donc c'est... je sais pas trop qui a fait ça exactement. Mais donc c'est un truc, comme son nom l'indique, guide d'autodéfense numérique. Et donc là, en fait, ça parle pas mal de logiciels libres, de comment sécuriser sa ligne et tout. Donc là, c'est le tome 1 qui est sorti, qu'on peut télécharger sur Internet, qu'on peut imprimer, etc. Et qu'on peut même rediffuser selon, je crois que c'est une Creative Commons, une licence Creative Commons, qui vous permet en fait donc légalement de télécharger, de récupérer, de partager, de copier, de tout ce qu'on veut ce guide. On vous invite vraiment vraiment à le lire parce que c'est extrêmement instructif. Ça n'est pas réservé aux spécialistes, c'est vraiment fait de manière didactique et pensé pour des personnes qui souhaitent prendre en main un petit peu leur outil informatique et se mettre hors de portée de la surveillance d'État et autres surveillances imaginables. Et donc guide d'autodéfense numérique, guide.boom.org. Et en fait, ça nous amène justement à ce qu'on va vous parler après la pause musicale, je pense. Oui, c'est faisable. Après une pause musicale, on va donc vous parler de la cryptographie, donc du chiffrement, de la messagerie électronique. Moi, si on a le temps, j'avais une dernière petite news. Oui, je t'en prie. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler du pare-feu d'OpenOffice. Ah oui, exact, bien joué, j'avais oublié. Tout à fait, vas-y, explique. Alors j'ai pas exactement les détails parce que j'ai pas eu le temps de préparer pour l'émission, mais alors il y a un mec qui s'amusait donc sur le Pollux blog à faire un pare-feu OpenOffice, donc comme Albanel parlait de ce fameux pare-feu OpenOffice. Alors oui, on va rappeler un petit peu l'affaire. L'affaire, c'est pendant donc les débats parlementaires sur la loi Adopi. Alors je sais plus si c'est Adopi 1 ou Adopi 2. Il n'y a pas vraiment eu de débat pour Adopi 2, donc je pense que c'est Adopi 1. C'était pendant Adopi 1, le ouais, vieux. C'était pendant Adopi 1, et en fait, donc il y a une députée ou un député... Non, c'était Albanel. Albanel. Quelqu'un qui demande à Albanel qu'est-ce qu'on fait pour les logiciels libres, et Albanel qui répond, oui, le logiciel libre, vous savez, on en utilise au ministère, etc. Il y a des pare-feux, par exemple OpenOffice, machin, et alors qu'OpenOffice est une suite bureautique. Et qu'il n'y a pas de pare-feu, de système de filtrage réseau sur un traitement de texte. C'était complètement à côté de la plaque et tout le monde a bien rigolé sur cette belle preuve de compétence de la ministre sur les questions du numérique. Et donc là, je t'en prie. Et donc là, oui, donc il y a une personne qui s'est amusée, donc qui a publié ça sur son blog, le Pollux Blog, qui s'est amusée à faire un pare-feu interfacé avec OpenOffice. Donc bon, pour du... même, on a même les graphiques dans une feuille calque. Oui. On a les graphiques des paquets qui ont été stoppés, de ceux qui sont passés. C'est un truc fait en Python, je crois. C'est un truc fait en Python, voilà, oui. Avec ouais. un petit logiciel, une bibliothèque qui permet de faire passer en espace utilisateur les communications réseau. Oui. Donc ça passe de l'espace noyau à l'espace utilisateur. Et l'utilisation de OpenOffice plus le fait de le passer en espace utilisateur, ça donne des performances aussi bonnes que la Adopi. Oui. C'est-à-dire que... Oui, c'était plus ou moins 10 paquets par seconde. Voilà. Aussi bonne que IPTable. Oh là là, ça sent le troll. Mais ouais, t'as de la chance que je t'ai pas vu venir, je t'aurais coupé le micro là, mais... trop rapide. Donc ouais, 10 paquets par seconde, ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, ça rajoute en plus aux performances générales d'OpenOffice. Quand même, voilà. Et donc ouais, merci pour cette news que j'avais complètement zappée alors que j'avais lu l'article. Donc on va poser une pause musicale, je pense. Ouais, voilà, une petite pause musicale. Tu nous mets quoi? C'est à toi de me le dire, en fait. C'est lequel? Parce qu'en plus, il y a un barbu qui m'a piqué ma feuille, donc... Ah d'accord, et ben il y a... Non, mais de toute façon, j'ai annoncé après, normalement, théorie. D'accord, bon. Tu mets Game Over, ça sera très bien. Game Over? Ouais. Random. Profitez-en, bientôt ce sera brouillé. She has taken all my money, and she has taken all my life. She gave me good times, she gave me bad times, and then she gave me her goodbye. And there's no heart inside of her, she is just a slot machine. The most cold-hearted evil zombie bitch that I have ever seen. My game is over, I'm not a lover, I'm not a lover anymore. She said sorry, now she told me that I'm not even in her high score. Forever and ever, no more together, such a vain endeavor in this game called love. No more lies, no more doubt, the game is over. Take it anymore. I ain't nothing but the shadow of the man that I was before. And so I beg for mercy, for an extra ball to play. One more life, only one more life, to face the trouble on my way. My game is over, I'm not a lover, I'm not a lover anymore. She said sorry, now she told me that I'm not even in her high score. Forever and ever, no more together, such a vain endeavor in this game called love. No more lies, no more doubt, the game is over, over and out. Now all the players getting ready, slot machine with tokens, they can fill the void within. My game is Voilà, donc de retour dans les studios de Radio Campus, donc 106.6 FM, c'est l'émission Random, la suite. Il nous restait une petite news à traiter, il me semble. C'est bien ça? Non, absolument pas. Non, pas du tout, on passe au sujet. Pas du tout. Donc on va passer donc au sujet. Donc c'est un sujet sur la cryptographie de la messagerie électronique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, ça veut dire tout bêtement que de base, le fonctionnement d'Internet, c'est un peu une évidence, c'est un peu une palissade de le dire, mais le fonctionnement d'Internet n'est pas sécurisé. Pour une raison très simple, au départ d'Internet, Internet vivait dans un monde un peu bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce que c'était uniquement des universitaires et des personnes de bonne volonté qui travaillaient sur le fonctionnement d'Internet et qui cherchaient à l'améliorer, à l'étendre. La démocratisation d'Internet a montré un truc, c'est qu'on avait complètement oublié de parler de sécurité informatique dès le départ. Ce qui pose d'énormes problèmes, par exemple le web qui n'est pas chiffré, donc toutes les requêtes que vous balancez à Google, etc., n'importe qui écoute sur votre ligne ou qui se poste en écoute sur votre réseau, il peut écouter, ce qui est assez intéressant par exemple pour votre patron, qui peut se permettre de regarder un petit peu tout ce que vous faites, toutes les pages que vous regardez, etc. Pour des protocoles assez importants comme FTP, etc., qui envoient votre mot de passe en clair, si on écoute sur le réseau, on récupère votre mot de passe. C'est également valable pour le mail. Alors pour le mail dans les deux sens, c'est-à-dire pour le mail sortant, c'est quand vous envoyez un email, et pour le mail entrant. Puisque ce sont deux systèmes différents en fait. C'est pas le même système quand vous envoyez un mail. Ça c'est un protocole qu'on appelle SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. L'autre, pour recevoir vos emails, il y en a deux, c'est IMAP et POP. IMAP, Internet, je sais pas quoi, et POP, c'est Post Office Protocol. Ce sont deux systèmes, donc un pour l'envoi, un pour la réception des messages, et aucun de ces deux systèmes n'est réellement sécurisé. Alors, quand on parle de sécurité de communication et surtout de message, sécurité de communication dans le sens de message, on parle essentiellement de trois choses. On parle d'intégrité des données. L'intégrité des données, c'est vérifier que le message n'a pas été modifié au cours du transport. On parle de confidentialité des données. La propriété qui est validée quand le message n'a pas été lu par quelqu'un d'autre que le destinataire. C'est-à-dire vous envoyez un message à quelqu'un et seule cette personne a lu le message. Il y a également le principe de non-répudiation. Le principe de non-répudiation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que c'est pas vous qui avez envoyé envoyé le message. Ça c'est extrêmement important quand on a une certaine confiance, pour imposer une certaine confiance. C'est-à-dire que je vous envoie un message, et après je prétends que c'est pas moi qui vous l'ai envoyé. C'est pas comme ça que la communication fonctionne, je vous envoie un message, j'accepte quand même la responsabilité de mon écrit. Ouais, ou aussi dans l'autre sens, quelqu'un qui enverra un message et qui dirait que c'est vous qui l'avez envoyé. Oui, voilà, par exemple. Aucune de ces trois propriétés n'est vérifiée dans le cadre de la messagerie électronique, de l'email. D'ailleurs, pour revenir à la modification du message, pour nos amis Windowsiens, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui nous écoutent, certains antivirus, comme par exemple Avast, Note32, se permettent de rajouter dans la fin du message « email vérifié par Note32, par Avast ». Oui, exactement. Alors ça, c'est une modification de la correspondance privée, et sur le plan pénal, c'est interdit. Voilà. Et pour une deuxième petite parenthèse, en fait, IMAP, ça veut dire Internet Message Access Protocol. D'accord, ouais, voilà, c'est... Oui, bon, ok, c'est... Parce que j'utilise pas ce protocole de merde. En plus des faiblesses de ces différents protocoles qui datent des années 80... on a des problèmes également sur le message en lui-même. C'est-à-dire que le contenu, c'est-à-dire que la session établie, elle est établie en clair. Autrement dit, on voit votre mot de passe passer dans le tuyau. Ça, c'est résolu en utilisant les versions sécurisées, donc les versions S, donc IMAP S et POP S, des protocoles. C'est également résolu en fait quand on utilise. pour les personnes qui utilisent un webmail, typiquement les pignoufs qui utilisent Gmail, Google Mail. Ouais, vous avez le droit de venir me taper. Oui, voilà, ouais, j'allais dire que tu utilises quoi toi aussi. Hein. Ah, j'utilise pas Gmail. Non, pas Gmail. Ah, bah non, j'utilise que mes trucs perso auto-hébergés à moi. C'est bien. Tu crois quoi toi? Bon, j'ai un Facebook. Hein, mais... C'est mal. En fait, c'est utilisé quand vous utilisez un webmail, vous avez le problème du transfert par web, qui lui n'est pas chiffré. Donc, on résout ce problème en utilisant une version sécurisée de HTTP qui s'appelle HTTPS. C'est pour ça que dans Gmail, vous avez un petit pignon qui vous dit, bah voilà, votre connexion elle est sécurisée. Ça, c'est pour vraiment la session qui va vous permettre d'envoyer un mail ou d'en recevoir un. C'est la session qui est établie entre vous, entre votre ordinateur et le serveur de messagerie électronique où sont stockés les messages en attente de votre réception. Maintenant, sur le message en lui-même. Le message en lui-même, il passe de serveur en serveur, de réseau en réseau, à partir du vôtre jusqu'à l'ordinateur de votre destinataire. Sur tout ce chemin, le message passe en clair. Autrement dit, n'importe qui est en écoute à n'importe quel endroit de ces réseaux peut lire votre message, et pire que ça, peut l'intercepter éventuellement s'il a le contrôle d'un serveur web, enfin d'un serveur mail, peut l'intercepter et le modifier. Et ceci dans votre dos, c'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas la personne qui envoie un mail n'est pas certaine que le ou la destinataire du message, destinatrice, va bien recevoir ce message-là. En pratique, il n'y a que dans des cas un peu spéciaux, c'est-à-dire police ou autre, qu'on peut s'amuser à ce genre de truc, mais la technique le permet. La technique permet non seulement l'espionnage, mais l'interférence dans les communications. Et d'où le besoin de ces trois principes. Alors, il y a un système qui permet de se protéger de tout ça. Puisque le message passe en clair, il faut le chiffrer. Parce qu'on n'utilise pas crypté, le verbe crypté n'existe pas en français. Donc on utilise le verbe chiffrer, donc communication chiffrée, cryptée, sécurisée. Ces mots-là sont un peu synonymes. Donc il faut chiffrer ces messages. Alors pour chiffrer ces messages, il n'y a pas de magie blanche ou de magie noire. Il y a des petits logiciels qui font ça très bien, et on va le voir, qui sont extrêmement simples d'usage à partir du moment où on a un peu compris comment ça marche la cryptographie. Alors la cryptographie. Pour expliquer un petit peu tout ça, la cryptographie, c'est un art assez ancien qui, dans l'histoire de l'humanité, a souvent été lié à la guerre et à l'État. César, par exemple, chiffrait ses messages. Alors, Jules César, en fait, il y a un code qui est une substitution monoalphabétique cyclique, c'est-à-dire un décalage de trois caractères, c'est-à-dire A devient C, B devient D, etc., etc. Code Arthur, je crois, ça s'appelle. César. César. Mmh. Bon. C'est peut-être. Alors, je confonds avec un autre, peut-être. Peut-être qu'Orium de Belgique, on n'utilise pas le même terme. Mais donc voilà. Donc ça, ce sont des codes un peu simples et qu'on peut facilement déchiffrer, pour peu qu'on ait un petit peu d'intelligence. La cryptographie moderne a fait un grand bond en avant au moment de la Seconde Guerre mondiale. Dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait un truc qui s'appelait Enigma, qui était donc le système de chiffrement utilisé par l'armée allemande, et qui était un truc, c'était une machine à écrire, et en fait le texte qui sortait, enfin on écrivait sur le clavier, et le texte qui sortait était chiffré. Comment ça marchait? Il y avait un système de tambour à l'intérieur avec des engrenages qui fait que quand on tapait une lettre, c'était une autre lettre qui sortait, et ainsi de suite. Et donc le but du jeu de décrypter le message, c'est de savoir, à partir du message chiffré, retrouver le message clair. Donc il fallait démonter complètement le système. Alors il y a des Polonais, des mathématiciens polonais qui ont cassé ça, qui ont cassé ce premier système Enigma allemand. Qui ont transmis les résultats à la résistance française et s'est remonté jusqu'à Londres. Et en fait, c'est comme ça que les armées alliées ont pu réussir à obtenir quelques victoires, notamment dans la Manche. Les sous-marins, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, les Allemands se sont dit bon ben ah ouais merde, on s'est fait un petit peu avoir sur ce coup-là. Ils ont réussi à déchiffrer notre machine, donc ils ont rajouté un certain nombre de tambours. Donc ils ont rajouté des engrenages à l'intérieur de leur machine qui complexifiaient de manière assez assez importante, suffisamment importante pour que Churchill en personne fasse se réunir à Bletchley Park dans la banlieue de Londres des informaticiens, parce que l'informatique était une science naissante, des mathématiciens, etc., qui ont cassé le code. C'est-à-dire un système automatisé, une machine destinée uniquement à casser un code. Et de là part toute la cryptographie, qui est depuis ce moment-là devenue un truc très très mathématique. Et à partir de là, effectivement, la cryptographie est devenue une discipline vraiment mathématique. On continue un petit peu l'histoire. En 76, Rivest, Shamir et Haldeman, je me souviens jamais des vrais noms, Rivest, Shamir et Haldeman publient un article qui bouleverse un petit peu la conception de la cryptographie. Ils sortent le concept de cryptographie asymétrique. C'est-à-dire que jusqu'à 1976, donc globalement de Jules César jusqu'à 1976, on a toujours conçu la cryptographie de manière symétrique. C'est-à-dire vous aviez une méthode de chiffrement qui permet à la fois de chiffrer et de déchiffrer. Typiquement, quand on décale l'alphabet latin de 3 lettres, bon ben, le message chiffré, on le redécale de 3 lettres dans l'autre sens pour obtenir le message clair. C'est donc la même opération inverse qui permet de chiffrer ou de déchiffrer. C'est le même algorithme. Algorithme, ça veut dire méthode. C'est une méthode mathématique. Un algorithme, c'est ça. C'est une suite de d'opérations élémentaires qui permet de résoudre un problème. Donc voilà, l'algorithme, il est symétrique. Et tous les algorithmes utilisés dans l'histoire jusque-là étaient forcément symétriques parce qu'on n'avait pas de solution de faire... On n'avait pas moyen de faire autrement. C'était comme ça qu'on concevait la cryptographie. Donc messieurs Rivest, Shamir et Haldeman arrivent avec un concept complètement nouveau qui est celui de la cryptographie asymétrique, c'est-à-dire que l'opération de chiffrement et l'opération de déchiffrement ne sont pas des opérations réciproques ou inverses. Ce sont deux opérations complètement différentes. Et deux ans plus tard, en 78, il publie un algorithme qui est l'algorithme RSA, qui est un algorithme très connu puisqu'il est encore utilisé à l'heure actuelle pour des tas de trucs. Les cartes bancaires, les protéger les données qui sont dans les puces des cartes bancaires, protéger les données qui sont le SSL pour les sites web, etc. C'est vraiment un algo qu'on utilise partout. RSA, c'est quoi ? C'est on génère une clé publique et une clé privée. Alors pour m'envoyer un message, vous chiffrez le message avec ma clé publique, et moi pour le déchiffrer, je le déchiffre en utilisant ma clé privée. C'est-à-dire que ma clé privée, elle reste chez moi dans mon ordinateur, et ma clé publique, je vous la donne, et elle sert à chiffrer le message, et il n'y a que moi qui peux déchiffrer ce message. Parce que tu es le seul détenteur de ta clé privée. Parce que je suis le seul détenteur de ma clé, et c'est pour ça qu'elle s'appelle privée. Donc c'est le concept de cryptographie asymétrique. Ça résout un certain nombre de problèmes, notamment le problème du serpent qui se mord la queue. En cryptographie, puisqu'en cryptographie symétrique, il faut une clé. Une clé qui soit partagée entre le entre les deux interlocuteurs. Et donc en fait, il faut que cette clé puisse passer par un canal sécurisé. Il faut qu'on puisse se mettre d'accord sur une même clé, et il faut que cette clé, on puisse se la transmettre de l'un à l'autre de manière sécurisée. Sauf que si on est à distance, c'est-à-dire si on n'a pas les moyens de se voir du visu et de s'échanger la clé en main propre, eh ben, il nous faut un canal sécurisé pour la faire passer, et si on a un canal sécurisé, on n'a pas besoin de chiffrer les messages. C'est assez logique. Là, en fait, puisque ma clé publique, je peux la diffuser partout, elle ne sert uniquement qu'à chiffrer les messages. Du coup, je résous ce problème-là. Ma clé publique, je la diffuse partout, elle est sur mon site web, elle est dans mon CV, elle peut être n'importe où, je peux la publier sur un livre, et dans 10 ans, vous pouvez toujours m'envoyer des messages avec ma clé comme ça. Elle ne donne aucun moyen de déchiffrer les messages. Donc, ça, c'est l'algorithme RSA. Et alors, cette histoire de cryptographie asymétrique, va faire avancer de manière assez importante la cryptographie et donc l'art de chiffrer ces communications. Alors, à la fin des années 80, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Zimmermann, en fait... Ne pas confondre avec Jérémy Zimmermann. Vas-y, balance tout. Hein, oui, je rappelle que je vais gagner mon pari tout à l'heure, Tazviden, tu peux écouter. Donc, en fait, pouf. Hein. Ouais, voilà. Donc, en fait, pouf. Je retrouve plus la date, du coup. À la fin, des années 80, il y a un Américain qui s'appelle Phil Zimmermann qui publie GPG, enfin PGP. PGP, c'est quoi ? C'est un logiciel de chiffrement de mails, de fichiers, de un peu tout ce qu'on veut, mais de base, surtout des mails, qui va combiner plusieurs techniques de cryptographie de manière, en fait, à sécuriser de bout en bout et à pouvoir assurer les personnes qui souhaitent communiquer avec d'autres personnes des trois points importants que j'ai cités tout à l'heure, que sont l'intégrité, la confidentialité et le principe de non-répudiation. Donc, PGP, en fait, bon, il va y avoir pas mal de problèmes, machin, parce que la cryptographie est une arme de guerre, parce que, du coup, le mec, il publie un logiciel qui permet aux crypto-terroristes de pouvoir passer outre la surveillance du FBI et tout, ça fait peur. Mais aux États-Unis, ils ont un truc qui s'appelle le Premier Amendement, ils ont le droit de le faire et tout. Alors, le seul truc sur lequel ils vont vraiment l'emmerder, c'est qu'il y a des restrictions sur l'exportation de produits cryptographiques, exactement, qui fait qu'en fait un produit cryptographique développé aux États-Unis n'a pas le droit de sortir des États-Unis. Que grand bien lui fasse, en fait, il va imprimer son code source et il va l'exporter au Canada. Et depuis, c'est comme ça qu'on fait, en fait. C'est pour ça qu'OpenBSD, notamment, OpenBSD est au Canada, etc. Donc... c'est une restriction qui existe toujours, d'ailleurs, il me semble. Oui, elle existe toujours, cette truc, voilà. Donc PGP. Alors PGP, en fait, Zimmermann va avoir pas mal d'ennuis avec ça jusque dans les années 90. Voilà. Et en fait, il va monter une entreprise qui s'appelle PGP Corporation et qui va donc commercialiser ce logiciel. D'où le fait qu'un logiciel libre qui s'appelle GNU-PG, qui est rattaché au projet GNU, hein, développé sous l'égide du projet GNU, donc un logiciel libre publié sous licence GPL, qui va implémenter cette norme OpenPGP, et qui va vous permettre en fait de crypter vos mails. C'est un logiciel libre, ce qui veut dire que de nombreuses personnes de la communauté scientifique, des mathématiciens, des informaticiens, etc., peuvent corriger les bugs s'il y en a, corriger les failles de sécurité s'il y en a, les rechercher et les corriger. Donc un logiciel qui, sur le long terme, est sécurisé et c'est le logiciel qu'on vous invite à utiliser. Donc GNU-PG. Alors, GNU-PG, il utilise plein de techniques de cryptographie. Il utilise notamment la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. Donc une clé publique, une clé privée. Il permet également de signer les messages pour vérifier que vous êtes bien la personne qui crée le message. Il permet de gérer un trousseau de clés publiques et un trousseau de clés privées. Il permet de chiffrer et déchiffrer les messages, bien entendu. Etc. Alors, pour l'utiliser, en fait, de manière très simple, parce qu'à la base, en fait, c'est quand même un logiciel en mode texte, donc il faut faire l'effort de taper des lignes de commande, etc. Vous avez diverses interfaces graphiques qui vous permettent de l'utiliser. Sous Windows, bon, il y a WinPT, mais voilà. C'est Windows, quoi. Vous en avez une qui est assez intéressante, qui est Enigmail. Enigmail, qui est un plugin pour Thunderbird, le client mail de la Mozilla Foundation. Donc il suffit de télécharger Enigmail et puis voilà. Et puis c'est vraiment très simple à utiliser. Au niveau des suites de mail, il y a Evolution qui le gère de façon native. Sylphie le gère de façon native également. Kmail. Kmail bah, oui. KDE Non, j'aime bien KDE en plus. Non, mais j'ai pas honte de le dire, hein, j'utilise KDE. Oui, mais bon, t'as raison. C'est pas grave. Pourquoi pas. bref, bon. Donc ouais, donc en gros, la quasi-totalité des clients de messagerie électronique libre gère nativement ce logiciel-là ou via des plugins, donc Thunderbird via Enigmail. Le truc Apple Mail gère aussi la crypto, je crois. Je sais plus trop. J'utilise pas trop ce truc-là, mais bref, voilà. En fait, il y en a qu'un qui l'utilise pas et c'est, enfin, qui permet pas de crypter ses mails, et c'est Microsoft Outlook. Donc bon, voilà quoi. N'utilisez pas Microsoft Outlook. De toute façon, il y a écrit Microsoft dessus. C'est pas pour rien. Et puis en fait, pour les personnes qui n'utilisent pas un client de messagerie mais qui passent par des choses horribles qu'on appelle webmail. Et typiquement les utilisateurs de Gmail, les utilisateurs de Hotmail, les trucs un peu comme ça, un peu. Et ben vous avez un add-on pour Firefox qui s'appelle FireGPG. Donc c'est des outils en fait qui sont simples, très très très très simples à utiliser. Il suffit de cliquer. La seule vraie problématique étant de générer au départ. À la première utilisation, il vous faut générer une paire de clés, donc une clé publique et une clé privée, et choisir une phrase de passe. Parce que votre clé privée, en fait, elle est sur votre disque dur, et donc cette clé privée, elle est elle-même chiffrée. Et on ne peut la déchiffrer qu'en donnant la phrase de passe. Parce que sinon, en fait, je vais sur votre disque dur, je vous chourave votre clé privée, et puis voilà, ça y est, je peux me faire passer pour vous, je peux envoyer des mails, je peux déchiffrer tous vos mails, etc. Ou alors, faut chiffrer le disque dur. Ou alors, faut chiffrer le disque dur, ce qui est faisable aussi si on utilise des vrais systèmes. Ah, mais tu t'exposes à la torture dans ce cas-là. Ah, oui, aussi, ouais. Non, je rigole. Ouais, quoique, de toute façon, on vit dans des pays tellement démocratiques que, de toute façon, la torture, ça n'existe plus. Hein. N'est-ce pas? Je veux juste revenir sur le webmail. Webmail, c'est pas forcément mal si on a le sien. Si on l'héberge sur son propre serveur. C'est mal même si on l'utilise. Non, t'as raison. Savoir que les webmails, on parlait du. Comme on parle de la crypto, il n'y a que Gmail pour l'instant qui est bien supporté par le plugin de Mozilla. FireGPG, voilà. Il n'y a que Gmail qui est bien supporté. Il y en a d'autres où on arrive à le faire tourner, mais c'est sans aucune garantie. Et c'est, dans certains cas, un peu de bidouille à faire. Donc, pour l'instant, il n'y a que Gmail qui est vraiment bien supporté. Quoi. Et puis, il ne faut pas non plus négliger le fait que non seulement les mails passent en clair, et ça, quand on utilise un prestataire externe, on n'a aucun moyen d'y échapper. Mais en plus de ça, on se rajoute le problème du HTTP qui, lui, n'est pas chiffré. Donc il faut un certain nombre de conditions quand on utilise un webmail. Il faut s'assurer d'un certain nombre de choses, et premièrement que la communication est chiffrée. Ouais. Ça, en fait, ça rajoute un certain nombre de risques qui peuvent être sécurisés, mais il y a quand même un nombre de risques supplémentaires quand on passe par un webmail. Bon, après, il y en a qui aiment ça, que c'est pratique, etc. Pourquoi pas, mais de base, en fait, le service de messagerie électronique passe par des logiciels de messagerie électronique. Et puis, vos mails sont stockés sur votre ordinateur à vous. Vos propres messages sont stockés sur votre ordinateur à vous. Alors que si vous passez par un webmail, vos messages à vous, vos correspondances privées, sont stockés sur un serveur on ne sait où, avec une politique de confidentialité... Si on parle des politiques de confidentialité de Google Mail, Google lit vos mails pour vous proposer des pubs. Et c'est pas de la connerie. Donc, voilà. Alors, pour mettre fin à cette petite aparté, il y a un dernier point que je voulais soulever, dont je voulais parler, en fait, sur la cryptographie des mails. Mais c'est excellent, tout le monde est crevé, quoi. Vous me regardez tous avec des yeux. C'est faux. Voilà. Moi, je suis très attentif à ce que tu dis. C'est le principe du réseau de confiance. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de confiance ? Eh bien, en fait, si je m'appelle Monsieur Tartampion, n'en rigolez pas, c'est mon vrai nom de famille, je m'appelle Tartampion. Si je m'appelle Monsieur Tartampion et j'ai une adresse email en machin.tartampion@hotmail.fr. Vous pouvez tester, c'est ma vraie adresse email. À côté, il y a un monsieur qui souhaite m'embêter et qui prend une adresse email en machin.tartampion@gmail.com et qui publie cette adresse email partout où il peut. Et donc en gros, il essaye de se faire passer pour moi. Il essaye de faire en sorte que les gens qui font pas forcément gaffe et qui me connaissent pas forcément bien envoient leur mail plutôt à monsieur à machin.tartampion@gmail.com plutôt qu'à ma vraie adresse email qui est chez Hotmail. Et donc, pour ça, en fait, pour se prémunir de ça, il faut donc en fait avoir un réseau de confiance, à savoir que les gens savent que telle adresse email appartient et que telle adresse email et telle adresse, enfin telle clé publique appartient bien à telle personne. Ça permet en fait de s'assurer une sécurité de bout en bout, c'est-à-dire que vous avez la confidentialité, l'intégrité et le principe de non-répudiation. Mais en plus de ça, assurez-vous bien que l'adresse email à laquelle vous envoyez votre message est bien l'adresse email de la personne à qui vous pensez. Et également, quand vous cryptez votre message, quand vous chiffrez votre message, chiffrez bien en utilisant la bonne clé publique de la bonne personne à qui vous voulez envoyer le message. Sinon, vous envoyez un message qui peut être éventuellement déchiffré par une autre personne, ce qui peut être dangereux. Donc pour éviter de se faire avoir avec ce genre de problème, on construit ce qu'on appelle un réseau de confiance où chacun va vérifier l'identité de chacune des personnes avec qui il est en contact et va vérifier la validité de sa clé publique. Une fois ça fait, il enregistre ça dans son ordinateur et le publie éventuellement sur Internet. Ça permet de savoir que telle adresse email, enfin telle clé publique qui est rattachée à telle adresse email appartient bien à telle personne et que ça a été vérifié par telle personne en qui j'ai tel niveau de confiance. Donc si je fais pas confiance, si moi je connais pas telle personne mais que je veux lui envoyer un mail, je sais que je peux éventuellement faire confiance à telle autre personne que je connais qui lui fait confiance à la personne à qui je vais envoyer le mail. L'explication est un peu complexe, hein, comme oui. Tu l'as dit. Bon, enfin bref. Bon. En fait, juste pour simplifier un peu aussi, par exemple, moi je te connais et donc on a échangé nos clés et qu'on a certifié qu'elles sont bonnes et que je souhaite envoyer un email que j'ai envie de chiffrer à quelqu'un que je connais mais dont j'ai pas la certitude de la clé mais que toi tu as certifié que la clé elle est bonne, voilà. Je peux quelque part dire que j'ai confiance puisque ayant certifié que toi ta clé est bonne, je te fais confiance à toi, et si toi tu as certifié que la clé de la personne à qui je vais envoyer un mail est une personne de confiance, je peux alors avoir confiance. Tout à fait, c'est exactement ça. Ça c'est un modèle qui est extrêmement important, à savoir que c'est un réseau de confiance qui se construit de proche en proche et qui est construit par les utilisateurs et utilisatrices du système. Autrement dit, c'est complètement différent, enfin, c'est un système c'est un réseau de confiance décentralisé où chacun est responsable de la sécurité des données qu'il diffuse et de la véracité des données qu'il diffuse. C'est complètement différent d'un système centralisé où une autorité unique définit un réseau de confiance et enfin qui est un réseau de confiance limité à 7 autorités en fait. C'est le problème de SSL typiquement, où il faut payer un certificat SSL, un tarif monumental, pour juste faire vérifier son identité, et que cette autorité dise « Ah oui, c'est bien lui qui a publié tel certificat. C'est bien telle entreprise ou tel organisme qui a publié tel certificat. » C'est le problème également quand vous payez vos impôts, en France, pour les personnes qui payent les impôts, qui sont riches et qui payent les impôts. C'est plus maintenant. Ah non, les riches payent plus d'impôts. Si, non, mais tu n'as plus besoin de certificat. Ah, t'as plus besoin de certificat. Non, c'est fini ? Ouais, c'est fini, ça. Je sais pas, je paye pas d'impôts, donc j'en sais rien. Je suis tellement riche que je paye pas d'impôts. Moi, je peux te le dire, c'est fini. Ah, d'accord. Depuis, je sais pas, ça fait bien 3 ans, hein, que... 3 ans que j'ai plus besoin de certificat. Ah ouais, wow. Ah ouais. Et tu fais confiance à un truc où t'as plus besoin de certificat. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on passe une pause musicale avant l'agenda ou est-ce qu'on embraye sur l'agenda direct ? Non, je pense qu'on va passer sur l'agenda. Hein. On va passer sur l'agenda direct. Ouais, je mets juste un petit... voilà, vous êtes sur Radio Campus, 106FM, restez avec nous. Bonjour les gars. Je m'appelle Matt Martigan. Random. Toi, arrêtez, c'est trop risqué. C'est pas vrai. Et alors ? C'est fini, je raccroche. Non, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Pas bonne du tout. C'est pas lui qui décide. Aucune importance. Est-ce que tu défies mon autorité ? Oui. Le NKM, c'est la deuxième fois qu'elle craque son slip, là, quand même. C'est pas possible, on a de la chance. Non. Radio Campus Lille. Le coin est dangereux. Aucune importance. Arrêtez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ? Il a un gland dans la main ! Tu dis ça à chaque fois. Tu vois ce gland ? Un dimanche sur deux de 19h à 20h sur Radio Campus 106,6 MHz. Voilà, l'agenda, très vite. Donc l'agenda très vite, donc lundi 21 juin 2010, donc demain, lundi des libertés numériques par l'association CLX, on en fait la promotion quasiment à chaque fois. Donc là c'est sur un truc sur la fête de la musique libre, parce que demain quand même c'est la fête de la musique, hein, donc on a parlé d'Adopi, fête de la musique, tout ça, tout ça. Donc ça se passe dans les locaux de l'UFJ, Union Française pour la Jeunesse, 1 rue Macquart à Paris, à Lille, dans le vieux Lille, à partir de 19h. Samedi 26 juin, et là, Taziden, je gagne mon pari, l'association Pulco, association pour la promotion de l'utilisation des logiciels libres en Corrèze, et on ne rigole pas, il y a bien des libristes en Corrèze, à la médiathèque de Saint-Viance, de 10h à 21h, il y a donc une install party, donc vous pourrez faire installer, vous venez avec votre ordinateur et vous, vous faites installer un système libre, plus diverses conférences et ateliers, il y a une conf, je crois, au matin sur, la neutralité des réseaux. Donc là, c'est presque fini, j'ai plus de temps, donc on va se dépêcher, Vendredi 2 juillet 2010, meeting 2600 Lille, www.2600lille.org pour avoir toutes les infos. Dimanche 4 juillet 2010, émission random numéro 18. Du mardi 6 juillet au dimanche 11 juillet 2010, à Bordeaux se dérouleront les rencontres mondiales du logiciel libre. Il faut y être, c'est vachement bien, et il y aura des gens qui picoleront du Bordeaux. Et enfin, du mardi 20 juillet au lundi 26 juillet 2010, il y a donc Estive Numérique, dont on a parlé à plusieurs reprises déjà dans Random, donc à Péonne, à 100 km de Nice, à 1800 mètres d'altitude, Estive Numérique, vous trouverez toutes les infos sur le web, et c'est l'heure de clore cette émission, cette 17ème émission de Random. Donc sur ce, on vous laisse avec Chupa Pimento, votre émission électro préférée. À la prochaine. À la prochaine, ciao. Et vive les kiwis.